Audiomatic. We'll be right back. Progress is relentless. The end is inevitable. La transmission 213 d'Audiomatic s'ouvrait avec le projet Mimetic Field mené par l'artiste français Jérôme Soudan avec sa pièce Overrated remixée ici par le projet Norsk incarné par Jean-Louis Morgère. Pour ceux et celles qui ne seraient pas encore des habitués, sachez qu'Audiomatic est une émission animée par les électronistes et présentant des musiques à caractère électronique. Vous pouvez nous joindre si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à l'adresse audiomatic, C-F-O-U, à commercial, gmail.com. Pour poursuivre notre programmation musicale, nous vous suggérons la pièce « Column 13 ». Qui se présente comme une longue composition de 17 minutes, se retrouvant sur la quatrième et dernière partie des Sessions NTS du duo britannique Oetaker. Les NTS Sessions sont en quelque sorte la dernière œuvre de Oetaker, massive de 8 heures de musique enregistrée en session de 2 heures chacune et qui a été diffusée à l'origine en direct sur la station de radio numérique NTS.

à Audiomatic. Nous venons tout juste d'entendre la pièce Column 13 de la formation britannique Oetaker. Cette composition se retrouve sur l'album NTS Sessions 4. Audiomatic se poursuit maintenant avec la musique de la chanteuse britannique Gemma Ray.

Il s'agissait à Audiomatic du groupe anglais 808 State et leur composition Nefertiti, tirée de leur troisième album Excel, lancé en 1991. Tout juste avant, nous avions droit à la formation londonienne Scum et la chanson Sentinel Bloom de leur seul album intitulé Again Into Eyes. Et pour débuter, la chanteuse britannique Gemma Ray nous interprétait la chanson Make It Happen de son album Island Fire. Pour mettre un terme à cette transmission 2-1-3 d'Audiomatic, nous entendrons le groupe canadien Delirium et la pièce Transmitter de leur album Spheres, paru en 1994. Delirium a connu deux périodes distinctes au cours de sa carrière, soit une première période axée sur une musique plus ambiante et spatiale, et par la suite, une période teintée par une musique électronica plus mélodique et incorporant des chanteurs invités. Delirium est bien sûr formé de Bill Leeb et Rhys Fulber, qui sont ou ont été également complices au sein de plusieurs autres formations comme Frontline Assembly, Noise Unit, Intermix et Synesthesia, cette dernière qui est en quelque sorte devenue le véhicule artistique du duo pour créer des compositions plus ambiantes lorsque Delirium a changé de cap. Sachez que les électronistes seront de retour dans les studios de C'est fou mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 214 d'Audiomatic. Si vous n'êtes pas en mesure d'être présent lors de ce rendez-vous hebdomadaire, nous vous offrons l'occasion d'écouter, quand bon vous semble, nos anciennes émissions en balado-diffusion à travers nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et également mixcloud.com/audiomatic. Voici donc le groupe Delirium avec leur composition Transmitter. C'était Audiomatic avec les électronistes. We'll be right back. Merci.